Bwana Amen. Mungu apate mibariki nini wote. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous salue. Na misalimia. Avec joie. Na furaha. Dans le nom de Jésus Christ. Mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je salue les frères et les sœurs. Na salimia wanduku na wadada. Nous suivez à travers l'internet. Wenye kutufuata kwa njia mtandao. Dieu les bénisse. Mungu awabariki vile vile. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila ugawia, tupate usimama njuu ya kuomba. Nous ouvrons notre Bible dans Lévitique au chapitre 25. Fungue Biblia yetu, Walawi sura 25. Lévitique, Walawi, au chapitre 25, Sura Makumbinatan. Nous prendrons aussi la Genèse, chapitre 12. Tabi batena kitabu ya Mwanzo, Sura Kuminambili, dans son verset 1, mstari yake ya kwanza, jusqu'au verset 3. Ata ya tatu. Père céleste, Baba uliye mbinguni, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Ni wewe mwenye kuwa alpha na omega. L'unique Dieu tout puissant. Mungu peke yake wa uwezo yote. Et l'unique le vivant. Na peke yako mwenye kwa Mungu mwenye kwa hai. Toi seul tu es notre rédempteur. Ni wewe peke yako mwenye kwa mukozi wetu. Et toi seul tu es notre espoir. Na wewe peke yako ndio tumaini yetu. Tu es notre unique bénédiction. Ni wewe peke yako mwenye kwa baraka yetu. Et c'est toi qui es notre salut. Na ni wewe mwenye kwa wokovu yetu. Tu es notre guérison. Wewe ndio matunzo yetu. Et tu es tout ce dont nous avons besoin. Na ni wewe mwenye kwa yote ile tuko nayo lazima. À toi l'honneur. Kwako wewe heshima. À toi la gloire. Kwako wewe utukufu. À toi la puissance. Kwako wewe uwezo. De siècle en siècle. Miaka mia na mia. Seigneur, nous sommes venus ce matin comme les enfants des hommes. Bwana tunakuja asubuhi leo sawa watoto wa watu. Parce que notre vie dépend entièrement de toi. Ndio maisha yetu iko kabisa kabisa chini ya utawalo yako. Parle à nos cœurs infirmes. Sema na mioyo yetu ya ulemevu. Instruis chacun de nous. Fundishe kila mmoja wetu. Pour que nous sachions comment il faut marcher avec toi. Ili tupate kujua namna gani ya kutembea na wewe. Pour ne pas briser tes sentiments. Ili tusipate kuvunja mania yako. Pour que nous puissions faire la joie de ton cœur. Ili tufanye furaha ya moyo wako. Afin que ta bénédiction repose sur nous. Ili baraka yako iwe juu yetu. Seigneur, merci. Bwana asante. Car nous croyons à l'œuvre du calvaire. Kwani tunaamini kazi ya msalaba. Sans cette œuvre. Bila ile kazi. Personne ne pouvait se tenir devant ta présence. Hakuna mtu aliwezi kusimama mwepo wako. C'est pourquoi, oh Dieu. Ndoko maana e Mungu. Pardonne nos péchés. Usamehe mazambi zetu. Sauve-nous, Seigneur. Utokoe Bwana. Guéris nos âmes. Uponye manafsi zetu. Guéris nos esprits. Uponye maroho yetu. Guéris nos corps. Uponye mili zetu. Dans nos difficultés. Katika magumu yetu. Donne-nous la solution. Utupatie jibu. Que chaque frère, chaque sœur. Kila ndugu, kila dada. Trouve dans son cœur, apate ndana moyo wake, la joie de te servir, furaha ya kukutumikia. Amen. Merci Seigneur, asante Bwana, bénis la parole, ubariki neno, souviens-toi, ukumbuke, de tous nos frères, bantu kwetu bote, de tous nos sœurs que nous suivons en ligne, na badada yetu bote, nikufuata kwa njia mtandao, na mnamna upeke, souviens-toi d'Israël ton père, ukumbuke Israel taifa yako, sois avec nous ce matin, uwe pamoja nasi asubuhi ya leo, du début à la fin, mwanzo hadi mwisho, au nom de Seigneur Jésus Christ, mujina la Bwana Yesu Kristo, tunakuomba hivi, amen, amen. Dans la Genèse au chapitre 12, au kitabu ya Mwanzo sura 12, l'Éternel dit à Abraham, wa milele akamonesha Ibra, va-t'en de ton pays, toka mwinchi yako, de ta patrie, taifa yako, de la maison de ton père, kunyumba ya baba yako, dans les pays que je te montrerai. Na wende muinchi nitakuonesha. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya utakuwa taifa kubwa. Et je te bénirai. Na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Ta foi jina yako kwa kubwa. Et tu seras une source de bénédiction. Na wote kwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Nitabariki wale watakubariki. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na nitalaani wale watakulaani. Et toutes les familles de la terre. Na majama yote ya dunia. Seront bénies en toi. Nitabarikiwa kandani yako. Levitique 25. Walawi 25. Versets 23 à 24. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car la terre est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est depuis jeudi qu'on a commencé à parler sur le rachat. Vendredi, la pluie nous a embrouillés. Et on n'a pas pu achever la pensée de vendredi. Mais ce n'est pas grave. Dieu connaît toutes choses. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Et pour ce temps qui court, nous avons grandement besoin de la pluie. Et ça, c'est la prière que chacun de vous doit faire. Anapasha kuomba. Nous sommes menacés par la sécheresse. Tunasongwa sana na ukavu. Et nos champs sont menacés de sécheresse. Na mashamba yetu inaangamizwa sana na ukavu. Et nous avons besoin de vos prières. Na tukulazima na maombi yenu. Pour que Dieu envoie la pluie. Ili Mungu apate kutuma mvula kuwapanda mbegu. Comme il nous envoie la pluie pour nos champs. Sasa bila kutumia mvula njoo mashamba yetu. Nous voulons qu'il envoie aussi la pluie spirituelle dans nos cœurs. Tunapenda vile vile apate kutuma mvula ya kiroho mu mioyo yetu. Chacun de nous a besoin du salut. Juu kila mmoja wetu lazima aokovu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kumibariki. J'avais déjà attiré votre attention. Nilikuwa nishavuta angalisho yenu. Que suivez attentivement. Ya kwamba mufuate na utaratibu yote. Les choses que le Saint-Esprit est en train de nous dévoiler. Maneno ile Roho Mtakatifu iko natufunulia. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Uko banduku na badada ba mingi. Qui sont des jeunes dans la foi. Benye kwa babiana muimani. Qui n'ont jamais entendu ces enseignements. C'est pourquoi des fois nous retournons un peu dans des petites choses qui semblent petites pour nous qui avons déjà de l'expérience. Mais pour ceux qui viennent à peine d'entrer dans la marche, ce sont des choses très importantes parce qu'ils en ont besoin. Alors suivez attentivement. Sasa mufate na utaratibu sana. Et ne soyez pas distrait. Na msiwe bakulengama. Nous ne saurons pas lire tous les versets ici. Hatawezi kusoma mistari yote ya Biblia. Mais lorsque nous vous donnons des chapitres, lakini wakati tulimpatia masura ya Biblia, aidez-nous à les lire chez vous à la maison. Utusaidie kwenda kuyasoma kwa nyumba yenu. Pendant la méditation du soir. Wakati ya kufikiri magharibi. Dans vos cultes du soir. Maibada yenu ya magharibi. Parce que nous croyons que chaque maison chrétienne. Tunaamini kwamba kila nyumba ya Kikristiani doit avoir une réunion familiale. Inapasha kuwa na mkusaniko ya maombi ya jamaa. Si vous n'avez pas de réunion familiale. Kama muna na mkusaniko ya jamaa. Il y a quelque chose de faux avec votre expérience. Kukitu mwa kia bongo na onjo yenu. Vous êtes en train de mal conduire votre maison. Unaongoza nyumba yako mubaya. Il faut que Jésus. Inapasha Yesu. Soit le centre dans votre foyer. Awe mwenye kutawala jamaa yenu. Négligez la prière. Kusula maombi. Vous négligez même l'éducation de vos enfants. Una sula ta adibisho batoto yako. Et vous négligez votre propre foyer. Na okuna sula jama yako. Des fois vous avez des problèmes. Wakati mwingine mko na mambo. Entre époux. Kati ya bwana na bibi. Parce que vous ne priez pas pour ces choses. Ninjua mombaki, njua ile maneno. Vous vivez comme des païens. Munaishi saba pagano. Pourtant, vous vous appelez toujours Christo. La prière doit nous soutenir. Maombi napacha kutusaidia. En toute chose. Katika maneno yote. Vendredi, nous parlions. Mukazitano tulianza kusemea. De la manière dont le rachat se faisait. Njua namna ukombozi ilianza kufanikaka. Nous avons pris ce chapitre Lévitique 5. Tu le veux pas ici. Tu le veux pas ici sur ya Walawi makumbi la tano. Nous avons commencé à partir du verset 25. Tu l'as déjà accepté mais il a mustard makumbi la tano. Dieu nous a dit ceci. Mungu alitonesha hivi. Si ton frère devient pauvre. Kama ndugu yako anakuwa maskini. Et qu'il vend une portion de sa propriété. Na anauzisha sehemu ya mali yake. Celui qui a le droit du rachat. Mwenye kuwa na halali ya kukombola. Son plus proche parent. Ndugu yake wa karibu. Viendra. Atakuyaka. Et rachetera ce qu'a vendu son frère. Na atakombolaka bile ndugu yake aliuzisha. On voulait prendre cette écriture quand la pluie nous a menacé. Tulipenda ubeba ya ndiko wakati mvule ilianza. Mais nous étions sur le verset 35. Lakini tulikuwa na tunasoma mstari ya 35. C'est le verset 35. Ni mstari ya 35 jusqu'au verset 38. Kwenda ufika kwa mstari ya 38. Sur lequel yulu yayo tulianza kusemea. Si ton frère devient pauvre. Kama ndugu yako anakuwa maskini. Et que sa main fléchisse près de toi. Na na kunyoshia mkono ya usaidizi. Tu le soutiendras. Utamsaidia. Tu feras de même pour celui qui est étranger. Utafanya vile vile hata mwenye ule anakuwa mgeni. Et qui demeure dans le pays. Na anaishi mwinchi. Afin qu'il vive avec toi. Ili apati kuishi pamoja na wewe. Nous vous avons dit ceci. Tulimionyesha hivi. La volonté parfaite et profonde de Dieu. Mapenzi kamilifu na ya upana ya Mungu. Dans notre communion et notre amour fraternel. Katika ushirika yetu na mapenzi yetu ya kindugu. Comme les membres d'une famille. Sawa memba wa jamaa moja. Lorsque un frère ou une sœur devient en difficulté. Wakati nduku wala dada anakuwa magumu. Nous avons un devoir sacré de le soutenir. Tuna ile mapashwa kamilifu ya kumsaidia. C'est une pensée pieuse qui doit nous occuper. Ni wazo ya utawa ile napasha kwa ndani mwetu. Nous ne devons pas seulement penser en bien à nos frères. Atuwetu kuwazia bizuri banduku yetu. Et envers nos sœurs. Na badada yetu. Même les païens qui demeurent à côté de nous ont droit de bénéficier la bénédiction que Dieu a remis entre nos mains. C'est ce que nous avons dit vendredi. Nous ne devons pas mépriser les frères et les sœurs qui sont en difficulté. Non bien-aimés frères. Apana nduku mpendwa. Nous ne devons pas critiquer les frères. Hatuwezi kushimanga na kusema mubaya. Et les sœurs. Banduku na badada. Qui passent de moments de difficulté. Bali biko napita mawakati ya nguvu. Non mon frère. Apana nduku yangu. Non ma sœur. Apana dada yangu. Comme frère et sœur. Sawa nduku na dada. Par amour fraternel. Kwa upendo ya kinduku. Nous devons avoir la pensée. Tunapaswa kuwa na wazo. De secourir nos bien-aimés. Ya kusaidia mapendwa betu. Dans leur pauvreté. Katika umaskini yabo. C'est la première pensée. Ile ni wazo ya kwanza. Maintenant, quand un frère. Sasa wakati nduku. Fléchit devant toi. Anakuya na kunyoshia kwa mkono. Si il venait te demander un crédit, kama anakuwa kulomba kwa Kongola, un crédit qui concerne l'argent, zaidi ndeni ya franga, Il ne faut pas aipashwe lui prêter par intérêt. Kongosha na intérêt. Non, bien aimé frère. Apana ndoku mpendwa. Dieu Mungu refuse. Anakataza. Nous interdit. Anatukataza. En tant que membre de la famille chrétienne. Na wa memba wa jamaa ki Kristu. De nous prêter l'argent par intérêt. Kwanza kukongosha na makuta ya intérêt. Non, bien-aimés frères. Apana nduku mpendwa. Non, bien-aimés sœurs. Apana dada mpendwa. Même de nous prêter les choses. Ata kongosha na bitu. Ou de la nourriture. Wala chakula. Avec intérêt. Na kusema utongeza hapo. Non, bien-aimés frères. Apana nduku mpendwa. Non, bien-aimés sœurs. Apana dada mpendwa. Si tu prêtes à un frère. Kama unakongosha nduku. À une sœur. Dada. L'argent. Feza. Ou les choses par intérêt. Wala bintu kwa kusema utongeza hapo. Là, vous péchez. Pale, unatenda zambi. Et vous devez vous repentir. Na unapasha kutubu. Mais prêter l'argent à intérêt aux païens. Lakini kongosha franga wapagano na. Cela n'est pas interdit. Ila ikataze. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendo. Il ne faut pas confondre ça. Aipashi kuvuruka vile bintu. J'ai toujours entendu les gens. Mina sikia kila mara watu wanasema. Ah, prêter confusion là-dessus. Manaweka mvuruko pale. Tu peux prêter. Unaweza kukongosha. L'argent par à intérêt. Na kusema taongeza hapo kwa pagano haina mambo. Mais ce qui est interdit, c'est le faire à votre frère, à votre sœur. Et le Saint-Esprit nous a dit que pour ce qui est de la nourriture, évitez et arrêtez de prêter vos frères et vos sœurs de la nourriture avec intérêt. Apprenez à donner, à aider, à assister votre frère, votre sœur. Pour ce qui est de la nourriture, évitez de vous prêter de la nourriture. Et même le faire par intérêt. Pour ce qui est de la nourriture, nous devons nous aider les uns les autres. Kusaidiana wamoja na wengine. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit. Aina kwa bure Mungu anasema. Dans le verset 35. Tu craindras ton Dieu. Utaogopa Mungu wako. Et ton frère vivra avec toi. Na ndugu yako ataishi pamoja na wewe. Aide-nous pour que les autres vivent. Saidiane ili wengine nabo wapate kuishi. Qu'il profite de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Dans Job, serviteur de Dieu. C'est le message, c'est un message de Frère Branham. Je ne veux pas lire. Dans Job, serviteur de Dieu, dans son paragraphe 15, Frère Branham parle de prêt à intérêt. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi en prenant Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 15, dans son verset 7, jusque dans son verset 11, voilà comment l'Écriture dit, s'il y a chez toi quelques indigents, entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi de tracer méchants pour dire en ton cœur, la septième année du relâche, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère, indigent, et de lui opposer un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Vous voyez, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu devenira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Oui, bien-aimé frère et soeur. Et il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons éviter de la méchanceté. Souvent, quand Dieu bénit quelqu'un, le premier sentiment qui s'élève en lui, c'est l'égoïsme. Il faut éviter cela. Éviter l'égoïsme. Quand la bénédiction vient de Dieu, retenez cela. Toute bénédiction qui vient de Dieu ne vient pas pour toi seul. Vous n'êtes qu'un pont. Vous n'êtes qu'un bras. Ou qu'une main. Par où Dieu passe. Pour servir ses enfants. Christ est au ciel. Mais il a ses enfants sur la terre. Dans la chair, nous ne sommes pas avec lui. Mais nous avons son esprit avec lui. Nous avons la parole avec lui. Maintenant, c'est ta main. Sasa ni mkono yako. C'est ta bouche, et ta bouche, kinywa yako, tes yeux, tes oreilles, yako, masikio yako, qui deviennent la main de Dieu. Ndio inakuwa mkono ya Mungu, macho ya Mungu, masikio ya Mungu. C'est par tes yeux que tu peux remarquer un frère, une soeur qui souffre dans l'église et qui est dans les besoins. Maintenant, tout ce que Dieu te donne n'est pas pour toi. Dans tout ce que Dieu te donne, il n'y a qu'une petite part qui te concerne toi-même avec ta famille. Le reste que Dieu vous donne, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour son œuvre. Vous voyez bien, mes frères. Ce n'est pas ton argent. Ce ne sont pas tes biens. Ce n'est pas ton travail. Vous voyez bien, mes frères. Ce n'est même pas tes activités. Si Dieu bénit tes activités, ce n'est pas pour ton orgueil. Non. C'est pour son église. C'est pour son œuvre. C'est pour ses enfants. Parce que c'est Dieu qui a fait des pauvres. Oui, bien, mes frères. Il y a des orphelins. Il y a des veuves. Il y a des indigents. Ils doivent être secourus. Dieu ne descendra plus du ciel. Ah, pour les aider. C'est nous qui sommes dans l'obligation d'aider les indigents qui sont au milieu de nous. Si un frère te tend la main, si tu n'as rien, répondez avec gentillesse. Évitez le mépris. Souvent, quand vous aidez un frère, évitez d'aller raconter cela à d'autres gens. Il faut éviter cela. Quand vous aidez une sœur, vous commencez à les publier, vous pêchez. Et Dieu n'aime pas cela. Na Mungu asipendake vile. Quand vous avez cette attitude, Dieu va commencer à vous enlever petit à petit la bénédiction. La bénédiction de Dieu demain vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie. Mais quand la bénédiction de Dieu vient, tu commences l'orgueil, je coupe la bénédiction et vous allez souffrir. Même le travail, on peut te limoger. Mais si tu étais là, tu avais déjà payé des bêtises, tu avais déjà payé des bêtises, tu peux vendre toutes tes maisons et tomber en faillite. Mais si tu avais déjà fait un matelas de dollars, tu vas passer nuit sur la chambre. On ne se moque pas de Dieu. On en dit quoi pendant ces mois. Vous craignez l'éternel Dieu, parce que c'est de lui que vous recevez ses bénédictions. Et si Dieu te bénit, je l'ai déjà dit, il est Dieu te bénit ici à Kambo. C'est pour que ta bénédiction puisse aider à la prospérité de cette église. Et non, Dieu te bénit ici. Et tu sautilles avec cette bénédiction, tu vas avec en Afrique du Sud. Tu vas avec cette bénédiction. Tu ne comprends rien. À Ushikiki, tu vas là à Kinshasa et tu vas tomber en faillite. Parce que Dieu n'a jamais vu cette bénédiction. À Kinshasa. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture dit. Je ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Là où Dieu te place, c'est là où il te bénit. Il te bénit là pour que les autres, les nécessités de cet endroit-là, sois servi par tes mains. Parce que tu es le bras de Dieu. L'église est avec moi. Qui comprend cela? Que Dieu vous bénisse. Et en plus de cela, quand Dieu vous bénit, crains Dieu. Tu dois craindre tellement Dieu et tu dois fuir de loin le péché, car l'argent attire le péché. Ne soyons pas chrétiens seulement lorsque nous sommes dans la pauvreté. Dès que tu as l'argent, tu commences à bien manger, tu t'habilles bien, tes enfants, et tu dis sans problème. Maintenant là, le péché vient. Ma peine doit dormir dans la famille. Et vous commencez même à prendre de la bière, car vous n'avez rien à faire avec cet argent. Et vous commencez à vous habiller comme des prostituées. Vous habillez vos filles comme des stars. Parce que tu as déjà eu beaucoup d'argent. Non, frère. À Panandouku. Et lorsque Dieu te donne de biens, il ne faut pas les utiliser pour réfléchir. Tu n'es plus économe. Non, bien de mes frères. Tu ne tu vas jeter à manger. Et tu laisses les condiments 2-3 jours. Dès que la vie a une tâche, tu jettes ça. Dieu n'aime pas ça. Nous, je ne sais pas si tu veux. Dès que tu trouves que ça ne te convient pas, parmi son peuple, il y en a déjà qui en ont besoin. Vois bien de mes frères, quand la bénédiction de Dieu vient, arrête avec le péché, oui le péché, surtout du côté des hommes, oui la vie d'adultère, évitez cela. On n'a pas prendre que l'argent c'est comme le miel. Et la mouche aime bien le miel. Il faut fuir le péché. Il n'a pas ça qui m'bia zambi. Tu commences à mépriser les frères. Tu méprises les sœurs. Ils ne sont plus de ton niveau. Parce que toi, tu es maintenant d'une autre classe sociale. C'est là il faut. Il est le Mubaya. Compagnie yako, Barafiki, ça, tu n'es qu'en compagnie des païens parce que tu trouves que vous parlez avec eux le même langage. Non mon frère. Apana ntuku yangu. Non ma sœur. Apana dada yangu. Quand la bénédiction vient, wakati baraka inakuja, fuyez le péché. Mukimbie zambi. Fuyez la dureté. Kimbie ni busharati. Fuyez l'orgueil. Kimbie ni kiburi. Fuyez le mépris. Kimbie katarau. Ce n'est pas que tu es intelligent que les autres. Kama unekala we mwenyewe. On est jangaria. Et tu t'examines. Peut-être mon mwili. Peut-être physiquement dans la chair. Tu ne vaux rien. A una ta kitu. Voyez bien mes frères. A ustaili. Dile bintu konaga bi ustaili. Tu n'en sont pas dignes. Vous voyez. Vous les avez seulement par la grâce de Dieu. Kwa nema ya Mungu. C'est pourquoi. Raison pour laquelle. Humiliez-vous. Ujinyenyekeze. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. La deuxième chose. Kitu kya pili. Si ton frère devient pauvre, yako, maskini, et va une portion na de sa propriété, ya mali yake, c'est lui qui a le droit du rachat, na alali ya kukombola, rachetera atakombola, ce qu'a vendu son frère. Yake, c'est vrai. Nibia kweli. Dans Lévitique 25, dans son verset 25, Lévitique 25, verset 25 à 29. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur. Celui qui a acheté. Kwaule aluzishaka. Et retournera dans sa propriété. Nakisha atabeba tena mali yake. S'il ne trouve pas de quoi lui faire la, cette restitution, kama sipate ya kumrudishia nayo, ce qu'il a vendu, ya ila ya aluzisha, restera ce qu'il a vendu, ya aluzisha, restera entre les mains de l'acquéreur, tabakilia mkono au aliuza, jusqu'à l'année du jubilé. Hata ufika mwaka ya jubilé. Au jubilé. Kuyubile, il retournera dans sa propriété na yake, et l'acquéreur en sortira. Na ule ayo, atatoka. Vous voyez bien mes frères. Na si un homme vend une maison d'habitation muntu, nyumba yake, ya dans une kalina, ville entourée de murs, maukuta, il aura le droit de rachat kombola, jusqu'à l'accomplissement d'une année ata, depuis la vente. Ata kufika kwenye ana kwa mwaka moja kisha kuzisha. Son droit de rachat halali ya kununua kwake itakuwa na muda tu ya mwaka moja. Si un frère, lakini kama nduku moja, une sœur, dada moja, vend une portion de sa anauzisha propriété, kipande ya mali yake, son plus proche parent, nduku yake wa karibu, viendra atakuyaka pour acheter cela. Njua kukombola ile. Si n'a pas de frère, kama ana na banduku qui peuvent racheter cela et que lui-même n'a pas de moyens de le racheter, il attend le jubilé. C'est Dieu qui va le libérer et qui va lui retourner ce qu'il a perdu. Troisièmement, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Ça, c'est Lévitique 25, verset 39, jusqu'au verset 46. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Vous voyez, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Que Dieu vous bénisse. Dieu Mungu ne veut pas, Ashipende, comme nous l'avons vendu, nous l'avons montré vendredi, que tu traites ton frère, utende nduku yako, ta soeur, dada yako, comme un esclave. Sawa mutumwa. Non, bien aimé frère. Apana nduku yangu. Et je dis encore ceci. Na mimi nasema tena hivi. Mwe bote boko na chunga ba frère na ba soeur. Vous tous qui gardez des frères et sœurs. Qui ne sont pas vos frères biologiques, mais qui sont vos frères en Christ. Vous devez les honorer tant et leur donner un double honneur. Je reprends cela. Narodiri apotene. Kama uko ne kala na ba frère na ba sœur. Si tu habites, tu résides avec des frères et sœurs. Aba amuna na bo damu moya. Et qui ne sont pas ya kimwili. Vous n'avez pas le même sang. C'est à cause du sang de Christ. Ninju ya damu ya Christo. Que beko ne kala mu nyumba yako. Raison pour laquelle ils habitent dans votre foyer. Ces frères et ces sœurs. Wale wa nduku na wale wa dada. Doivent être honorés deux fois. Wanapasa kuheshimiwa mara mbili. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Vous voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendo. Souvent nous agissons comme des insensés. Kila mara tunatenda sa watu wapumbafu. On ne doit pas prendre les frères et les sœurs. Hatuwezi kubeba banduku na badada. Qui ont accepté de vivre avec nous. Wale wanaitikia kuishi pamoja na sie. De les traiter comme des demi-frères. Watumikisha sa banduku bakipande. Ou comme des serviteurs. Sawa wafanya kazi. Des servantes. Wafanya kazi ya kazi. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendo. C'est Dieu qui a dit je vous donnerai des frères. Ni Mungu alisema nitempatia banduku badada, bababa, bamama. On doit les respecter. Tunapasha kuwaheshimia. On doit bien les traiter. Tunapasha kubatendea mzuri. On doit bien les sécuriser. Tunapasha kuwakinga vizuri. Il doit participer à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tunapasha kushiriki kubaraka ile Mungu alikupatia. Vous ne devez pas faire exception entre vos frères du sang et vos frères dans la chair et vos frères en Christ. Vous ne devez pas faire exception de personne entre vos propres enfants que vous avez engendrés et les frères en Christ. Faire cela, c'est un péché. Utenda vile ni zambi. Et vous risquez de vous charger de la malédiction. Non, non, oui, tu as tout la Anna. On doit honorer cela. Tu n'as pas ça que chimie à ile. On doit veiller. Tu n'as pas on ça doit veiller sur ça. Il lui a ile. Il mérite la protection. On a ça ile kwa kinga. C'est la présence de Dieu dans votre maison. Ni wepo wa Mungu ndani nyumba yenu. Et vous devez honorer cela. Non, on n'a pas ça que chimie à ile. Pas vous vivez avec les gens. Apana on a ici là-bas. Kama kama mukaloka na toka. Un petit problème se lève. Ni pas kaba leba ba frère na ba sœur. Je veux kuba baye. Ils sont des gens mauvais, des enfants là que tu as engendré en pensée. Ils sont des anges. Non, frère. Apana nduku. Vous voulez nous pagano. Ça, c'est être païen. Aina bukristo. Ce n'est pas ça être chrétien. Et tu calises qu'on a une fata. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que avez-vous bien compris? Voilà pourquoi je reviens en swahili pour bien insister. La discrimination, faire exception des gens qui habitent dans ta maison, ce n'est pas bien. Faut bien les traiter. Il n'a pas acheté qu'on va tendre à bout de Mzuri. faut avoir de l'affection. Il n'a pas ce qu'on a upendo. Maternel. Ya bumama. Surtout moi, banamuk. Surtout vous, les femmes. Vous avez beaucoup de désordre. Vous devez respecter, les respecter. N'a pas ça quoi, ishimia. Vous ne devez pas manifester. Awez konekanisha. De l'indifférence à les regards. Basula, kubabeula. Non bien-aimé frère. Apana nduku mpendo. Non bien-aimé soeur. Apana dada mpendo. Dans Deutéronome au chapitre 15, dans son verset 12, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se va à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, il renverra libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de tout ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Pourquoi on a tout mis qu'on a pas frère? Tu travailles avec des frères. On a tout mis qu'on a soeur. Tu travailles avec une soeur. On a t'affaire à quoi tiens en aïe. Tu veux te séparer d'avec lui? À part à quoi tiens en aïe, on bichilane. Il faut pas les laisser partir méchamment. Même si tu avais besoin de lui ou d'elle. Attaque à mon quoi la zima naïe, ndoukou à la gaga. Vous devez vous séparer en paix. Moi tiens en aïe, moufoura. Vous devez vous séparer dans la joie. Na, ou pas te koumoupachi, hein. Et que tu lui donnes. Bili ambao, vitawezi kumusaidia, enda kaishi mzuri, ule atenda. S'il faut lui donner un décompte final, kumupachie franga ya mingi. Donne-lui beaucoup d'argent. Lui musaidia. Pour que ça puisse l'aider. Non, mais nilikuwa nikingana naye besoin nisaidie. Maintenant, ananitoka. Voilà qui m'a quitté. Si tu as mon petit en France, je ne veux plus lui donner l'argent. Avant que le frère puisse travailler avant pour toi. Avant que la sœur ne puisse travailler pour toi. Qu'il soit d'abord ton serviteur. Premièrement, c'est ton frère, c'est ta sœur. Il est ma relation qu'on est mouru, qu'on est mouru. Les relations qui vous lient. Il est yaïu le kabisa. Il est relation yabunduku. C'est la relation fraternelle. Il est relation yakaji. Et non la relation professionnelle. Ma relation yabukakaji. La relation professionnelle. Il connuma. Vient il est ma relation. Après yabunduku. La relation fraternelle. Vous l'assistez comme ton frère. Vous l'assistez comme ta sœur. Vous l'assistez comme ta sœur. Vous l'assistez comme ta dayako. Vous voulez vous séparer avec lui. Vous vous séparez méchamment. Et tu le maudis même. Là où tu vas aller, tu vas souffrir, tu verras. C'est de bien t'entretenir. Ça c'est être païen. Dieu ne veut pas cela. Nous va spender les femmes. Il a aussi un cœur. Il a une volonté. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient esclaves des hommes. Si Dieu te donne, si tu donnes quelque chose à ton frère, à ta soeur, il est loco, le peu que tu lui as donné. Et il va avec. Et Dieu va les bénir. Tu dois être heureux. On n'a pas ça pour furaïwa. Non. Où le frère, où le Aritoka kunyumba yangu. Mina mona. Anaouza nyumba. Il s'est tapé une maison. Il n'était qu'un voleur. Alors il m'a chipé l'argent petit à petit. Ça, c'est être païen. C'est faux. On ne doit pas raisonner comme ça. Atuwezi kufikiri mwile na muna. Mungu atawezi kubariki. Dieu peut bénir. Mungu kupetia. Non, départ. Ata 50 dollars. Même 50 dollars. Ata 20 000. Partant même de 20 000 francs. Dieu est souverain. Mungu, on a un faya bila la prenda. J'ai déjà vu pas hier dans cette église. Agona aina inje. Dakini mudane kanisa nduku. Avec 200 dollars. Na 200 dollars. 200 dollars. 200 dollars. Quand le travail est terminé, malzika, il est venu avec 200 dollars. À la 200 maison, dollars pour nous, pasteur. Voilà les 200 dollars que Dieu Sada m'a donné. 200 dollars, Dieu le munga l'impatia. C'était ça mon décompte final. Dieu, ya mwisho. Et je lui ai posé la question de savoir si tu vas faire quoi, il m'a dit ses activités. Je l'ai conseillé. Et j'ai prié pour le frère. Et c'est son argent. Dieu, na franga yake. Mais le frère, il est ici dans quelque part ici. Vous voyez? Après avoir prié, kumba, les frères aujourd'hui, il a des maisons. Manyumba, les activités prospèrent. Voyez bien, mes frères. Non, non, dans la pensée de Dieu, wazo ya Mungu, Mungu anapenda chebo te ibituko, tel que nous sommes là, tukuye na franga, ayons l'argent. C'est pourquoi l'écriture que je vous ai dit, il ne voudra pas atapenda, qu'il y ait des indigents au milieu de vous. Mamasini katikati yenu. Mungu ashipende, Dieu ne veut pas qu'il y ait des indigents au milieu de vous. Et pourtant, Japon, il y en aura toujours. Bataku akupaka. Joe, on a ça, ça et là, maintenant, tu commences à dire, voyez-vous, ce secteur-là, il y a un peu de temps. Partagez la bénédiction que vous avez. Gawanya, baraka onayo, nabo bendele. Nabo bendele kusaidia bengine. Si continue à aider les autres plutôt que tout le monde. Chez toi. Bende nabo kona lomba na. Il va aussi t'entraîner. Et demander aux autres. Vous voyez? Unaona? Asemana wewe utapumzika. Asemana tu peux se reposer pour aider les autres. Si chacun de nous. Kama kila mmoja wetu. Ou dans l'église. Wala mukanisa. Ou dans la famille. Wala mujama. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens. Tout ça saidia na bengine kwa bengine. Les uns les autres. Ça sera une grande joie. Na ni si c'est une seule personne qui est riche, si choka na il va se fatiguer. Anakuya, l'un vient, on veut me chasser de la maison. Aide-moi 50 droits. Où il y a un autre enfant malade, l'autre aussi arrive. Jala, ça fait des on n'a pas mangé, ça fait des jours. L'autre aussi dit non, j'ai fait les champs et j'ai fait même deux jours de iré. C'est lui qui s'est riche, il y a plusieurs mains, il y a plusieurs bras qui sont au service des autres, il y a complémentarité. L'église est avec moi. Est-ce que l'église comprend? C'est pourquoi nous avons le devoir de prier pour cette église, pour que Mungu abariki cette église. Pas seulement spirituellement, même financièrement, et matériellement. Par les toits de Saïdiana, même les païens, feront servir. Et ça, ça fait la joie de Dieu. Parce que dans sa Bible, il dit, « Mise Moubariki, je vous bénirai, na mutanza ku Kongosha, et vous allez commencer à prêter, mais vous n'allez pas emprunter. » C'est vrai, frère. C'est vraiment ça. Oh, oui, le calife, oh, oui, le votre église, quand les gens viennent, en franga, ils trouvent l'argent de Dieu. On a Mungu à Baraka. On ne refuse pas ça. Comment si tu viens, na, ukunaishi sauti ya et tu vis la parole de Dieu, et spirituellement, na mukiro, et financièrement, na mufeza, et matériellement, na mumali, Dieu va te bénir. Ce sont des bénéfices. Ni ma faïda. Vous voyez. Ce sont des ajouts au salut. Ni bitu tu kuna patia mo kisha mkombe. Voyez bien, mes frères. Amen. Voyez bien, mes frères. Alors, apana kufukuza dada. Alors, il ne faut pas chasser la sœur. Et cela est dit dans le verset. Dans le verset 18. Tu ne trouveras point Dieu de les renvoyer libres de chez toi. Car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Voyez bien, mes frères. Quand il y a un enda na barikiwa, qui lui partait et qu'il serait béni, Dieu va te bénir, vous pouvez remplacer, qui est pour le barikiwa, et qu'il soit aussi béni. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Munasikia? C'est ça la volonté de Dieu. Dio, mapenzi ya Mungu. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpendo. Uko naomba Mungu. Tu pries Dieu. Sema Mungu bariki na manjina uko na taya na ba frères. Même les frères par leur nom. Tu pries les frères par leur nom. Apana kuomba ile maombi ya kanisa. Ombe cette prière à la maison. Cette prière là, il faut la faire en privé. Il ne faut pas que les gens entendent ce que tu dis. Tu pries dans la sema, on a bien on a baombe. Mule mui, mu secret yako. Dans la chambre quand tu es seul. Parce que chaque chrétien doit avoir un endroit secret. Où il parle avec son Dieu. Il traite les problèmes de son cœur. Il traite les problèmes de sa vie. De son foyer. De l'église. Il prie pour les saints. Il prie pour ses serviteurs. Il prie pour même pour les païens, même pour sa famille biologique, et pour tout le monde. C'est là dans le secret. Tu fais de cette perquête. On a l'étage. Quand tu es dans la présence du Seigneur, il est requête spéciale. Il est étage à ouvrir. Béni cette personne. Il a dit qu'elle est vraiment en difficulté. Vous voyez bien mes frères. On a un tout compendre. À part notre foi, notre pharisaïen. Et non pas faire les pharisiens. Quand tu vois les frères, c'est alors que tu commences à prier beaucoup en citant son nom. Tant que non, tu l'as toujours aimé. Souvent, il m'a prié, il a commandé. De telles prières là au micro, il y a des pentecôtistes. Dieu n'exauce pas de telles prières. Il n'y a un théâtre. Ça, ce sont des théâtres. Il y a une prière sincère. Que tout homme doit faire. Il est mutuote, n'a pas ça à faire. Vous voyez bien mes frères. Alors, comme je l'ai dit vendredi, nous devons éviter de mépriser les frères, de mépriser les sœurs. Vous voyez bien mes frères. Nous devons les considérer comme des gens qui habitent chez nous. C'est ce que la Bible dit. Quand un frère ou une sœur t'est faire, il n'est pas en réalité un serviteur. Donc, il est un frère, une sœur qui habite chez vous, qui se met avec vous, qui participe à votre bénédiction. L'église est avec moi. C'est pourquoi vous n'avez pas de et de lui donner quelque chose qui va l'aider à survivre. Vous voyez bien mes frères, ou qu'on a soeur, ou qu'on a soumika, une soeur ou un frère qui travaille chez vous, il entre le matin, jusque le soir, il prend pas du tout, tu nous donnes pas assez, à midi tu ne l'auras pas à manger, donc il travaille pour un salaire, tu es un païen, tu es un païen, tu travailles avec un frère ou une soeur, quand tu dois prendre ton thé, donne-lui aussi du thé, lorsque tu dois manger les foufous, ce n'est pas un esclave dans ta maison, c'est ton frère, c'est ta soeur, ni de Kuyako, ni c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Oui, bien mes frères. On a un tout coupé. À part la sœur Anatomika. La sœur travaille. Non, ma gote, mon âge a comme lequel. Elle est même affaiblie. Ah ouais, je bouge maman. Elle ne sait plus se reposer. Elle ne sait plus se reposer. Non, bien mes frères. À part un tout coupé. Ça, on ne veut pas ça. Vite la ville à tout peine d'apana. Vous voyez bien mes frères. On a un tout coupé. Si tout le monde comprend ça. Avant tout vote, on a essayé. Attends, on s'attaque à ma maman. On n'a pas de problème à trancher. Entre les frères et les sœurs. Ça, c'est un tout coupé. Non, bien mes frères. À part un tout coupé. Le reste, Dieu vous enseignera. Si ton frère devient pauvre, elle se va à l'étranger. Voyez, ça c'est Lévitique 25. Lévitique 25. Il se va à l'étranger. C'est une très mauvaise chose. Dans son verset 47, allez jusqu'au verset 55. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il aura pour lui le droit du rachat. Après qu'il se sera vendu, l'un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra les racheter, ou bien s'il en a les ressources il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'était vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat en raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera les comptes et il payera son rachat en raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année. Et celui chez qui il se fera, celui chez qui il se fera ne les traitera point avec du retenir. Sous tes yeux. Vois bien de mes frères. Vois bien de mes soeurs. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé. Lui et ses enfants avec lui. Car c'est à moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Vous voyez un frère. Une sœur qui est en difficulté, il se vend chez un étranger, un païen. Mupagano. Et tu vois là où il travaille, où elle travaille, elle n'est pas bien traitée. Toi, tu as des moyens de l'aider. Vous avez le droit de l'aider à quitter ce païen-là pour qu'il te serve. Avec dans l'affection et que tu le traites avec beaucoup d'amour. Voyez bien mes frères. Et c'est des faux. C'est la raison fondamentale. Quand nous restons fidèles à la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu doit nous bénir pour qu'aucun de nous ne dépende d'un homme. Pour que chacun de nous dépende directement de Dieu qui l'a sauvé. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église suit? Kama tunatumikia neno la Mungu, nous mettons en pratique la parole de na Dieu, uaminifu wote, en toute fidélité, na unyenyekevu wote, en toute humilité, na utifu wote, en toute obéissance, Mungu akumbingu, le Dieu du ciel est obligé à la lazimishwa d'obéir chaque frère et chaque soeur, Adam mwili, même physiquement, ni tous les frères, ou les dada, ou les frères, ou les soeurs, ses frères et ses soeurs, qui ne puissent pas être dans les difficultés, et qui ne dépendent pas des gens, mais sache que Mungu ni Dieu est leur père et c'est lui seul qui prend soin d'eux. Mungu, car Dieu n'aime pas que ses enfants soient des quémandeurs. Il est comme un fédéré chez Mungu. Ouais, bien, mes frères. C'est pourquoi, raison pour laquelle, fait n'importe quel travail, Dieu bénira cette activité-là. Dieu n'aime pas les fainéants. Beaucoup de frères qui souffrent car ils n'aiment pas faire les champs. Ils n'aiment pas travailler. Non, bien aimé frère. Dieu ne peut pas te bénir comme ça en l'air. N'importe quel travail qui te présente devant toi, même si dans ce travail-là, on te paye ne plus que 50 dollars, c'est mieux pour toi d'avoir 50 dollars à la fin du mois, plutôt que d'être errant, tu ne fais que demander. Si pas de ces 50 dollars, Dieu lui a eu les 50 dollars, Mungu t'a inspiré, Mungu t'a compatié à Kili, de faire quelque chose, afin que ou faire quoi que moi j'avais payé ma dot, sans les secours d'aucune main, sans les secours de ma famille, j'ai payé toute ma dot, jusqu'au dernier grain, au dernier franc, vous voyez, et pourtant, je ne touchais que 35 dollars, vous voyez. Aujourd'hui, si on vous paye, même 35 dollars, vous allez en faire 35 dollars, Léo, il t'a fait un parce que l'argent que j'ai touché à cette époque-là me permettait seulement de payer la maison et d'avoir la nourriture. Pour une semaine, j'avais plus d'argent. Vous voyez bien, mes frères. Mais c'est à partir de cet argent-là que j'ai payé la dot. Je ne mérite pas Marie. C'est un Dieu de paradoxe. Donc pour quitter ce chapitre, j'ai dit ceci aux frères et sœurs. Acceptez de travailler, même si ce travail-là paraît comme vain et paye mal, le mieux, c'est que dans ta poche, il y a entre même un petit rien, partant de ce petit rien, Dieu va bénir ça. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Mais avant de parler de Ruth, bila kusema njoo aluta, parce qu'on parle du rachat, wakati wa sema njoo ukombozi, On doit vous montrer comment kumionesha gani, l'homme est tombé. Mutu alianguka. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Muyali, on ne peut pas parler du rachat sans parler de la chute bila ya kwa nguka, d'Adam, kwa Adamu, sans parler bila de notre père Abraham. Baba yetu Ibrahimu, Adam, j'ai parlé plus tard sur lui. Adamu mitasemea yulu yake masika kumbele. Mais je prends aujourd'hui. Lakini leo minabeba, pour les quelques minutes qui me restent, Genèse chapitre 12, là où nous avons lu. C'est une écriture que vous connaissez. Regardez. L'Éternel Dieu dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans l'appel d'Abraham, il n'y a que des promesses de bénédiction. Muko paka maadi ya baraka. Dieu n'a jamais vu Mungu aya onaka la malédiction laana dans la vie d'Abraham. Dani ya maisha ya Ibrahim. Jusqu'à la fin de son séjour. Ata kwa mwisho wa masiku yake pa dunia. Même après ata kisha son séjour terrestre. Ma siku yake pa dunia. Je reprends. Narudiri hapo. Dans l'appel d'Abraham. Dani ya mwito ya Ibrahimu. Et dans toutes les promesses que Dieu lui a faites. Na kati ya malako yote le Mungu alimpatia. Il n'y a pas la moindre trace. Hakuna ta nyayo kidogo. De la malédiction. Ya laana. Dieu n'a jamais vu Mungu aya onaka, même l'ombre de malédiction, ya laana, l'ombre de la souffrance ya mateso, dans la vie d'Abraham, dans ya maisha ya Ibrahimu, ni dans la vie de ses enfants, wala maisha ya batoto yake, dans la vie de sa postérité, wala maisha ya uzao yake. L'appel d'Abraham mwito ya Ibrahimu est accompagné des promesses de bénédiction mamalako ya baraka de tout genre ya aina yote. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada yangu. Moi, l'Éternel, mie wa milele, je te bénirai. Nitakubariki. Moi, l'Éternel, mie wa milele, je te ferai grand. Nitakufanya wewe kuwa kubwa. Moi, l'Éternel, mie wa milele, je ferai de toi nitakufanya wewe une source chemchemu de bénédiction ya baraka. Et tous les hommes na batu bote de la terre madunia, qui te béniront wale watakubariki en voyant ma bénédiction sur toi, baraka yangu yulu yako, à cause de cela juu ya ile, je les bénirai aussi. Nitawabariki nao vile vile. Mais ceux qui te maudiront wale watakulaani à cause de ma bénédiction juu ya baraka yangu, ils seront maudits. Watalainiwa. Vrai. Bien kweli. Et tout le monde na batu bote sur toute la terre dunia yote mzima seront bénis watabarikiwa à cause de toi juu yako wewe. Quelle promesse. Ahadi gani. Quelle promesse, mon frère. Ahadi gani, ndugu yangu. Quelle promesse, ma sœur. Ahadi gani, dada yangu. Quand Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mutu, comme je l'ai déjà expliqué, paka vile misha kufasiria ayo, dans d'autres enseignements, mafundisho ingine, le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu, le prend en charge en toutes choses. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour le faire souffrir. Non. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour qu'il soit esclave des individus, des démons. Non, frère. Non, ma soeur. Dieu le prend en charge. Spirituellement. Physiquement, mwili, matériellement, mbitu, financièrement, mbeza, moralement, mwata mwakili, intellectuellement, mwelimu, frère, c'est vrai quand l'Écriture dit, vous serez toujours la tête. Quand Dieu appelle quelqu'un, il fera de lui une source. La tête signifie, vous êtes la source de bénédiction par qui les autres peuvent être bénis. C'est vrai, frère. Tu n'es pas la bénédiction. Auna baraka. Mais tu es une source. Lakini uko chemchemu. La bénédiction c'est Dieu. Baraka ni Mungu. Mais toi, lakini weye, tu es l'ouverture. Uko tu mulango. Où sort la bénédiction de Dieu? Kula tokea baraka ya Mungu. Mina shimambe la patino. Je m'arrête d'abord ici. Sasa frère. Mena nduku dada. Che bota patu masema. Nous disons Mungu a retuita. Dieu nous a appelés. Na shie tunamini. Et nous croyons. Sasa shimama tena ujuliza sema. Arrête-toi et pose-toi la question. Pourquoi depuis que j'ai cru? Bintu aliokoke ndani ya maisha yangu. Les choses n'évoluent pas dans ma vie. C'est une question niulizo fondamentale. Ya mafa kabisa. Que nous devons nous poser. Il est tunapata ujuliza. Nous aurons la réponse. Tutapata jibu. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que l'appel de Dieu est accompagné na de promesses de bénédiction. Na baraka, na hadi ya baraka. Mungu akusema na Abraham, akusema. Dieu n'a pas dit à Abraham ainsi. Auta lukula malaya. Tu ne tomberas pas malade. Auta teso. Tu ne vas pas souffrir. Apana. Non. Mateso na malari, les souffrances et les maladies, vous voyez, unaona, ni bintu biko liye, ce sont des choses liées au corps de tout un chacun. Mais, ndani ya ile mateso, mais dans ces souffrances, ndani ya magonjwa, dans ces maladies, Dieu, Mungu, en attendant la rédemption du corps, est obligé de vous bénir. Amen. Oui, frère. Ndio nduku. Oui, cher. Ndio dada. Dans la vie de tout enfant de Dieu, que Dieu a réellement appelé, il n'y a pas d'ombre de malédiction. Non, frère. Non, ma soeur. J'aimerais que vous reteniez ça. Napenda mpate kubamba ili. Comme Dieu n'a jamais vu d'ombre de malédiction à Abraham. Il n'y a aucune ombre de malédiction en ceux qui croient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, là nous avons la bénédiction éternelle. Oui, frère. Oui, ma soeur. Et quand Dieu bénit quelqu'un, na wakati Mungu anabariki mutu, et qu'il éloigne de lui toutes sortes de malédictions, na anapeleka mbali naye aina yote ya laana, ni we peke, suivez-moi très bien. Mulipate mzuri mzuri, ni mankosa yako we peke. Ce sont tes offenses à toi seul. Jo itakuletea mateso. Qui vont attirer les souffrances. Kama unakatala kutembea. Si tu refuses de marcher. Na Mungu pamoja. Avec Dieu. Kama Mungu anakuita. Si Dieu t'appelle. Na mwito ya Mungu. Et l'appel de Dieu. Iko yenye kushindikizwa. Est toujours accompagné. Tangu mwisho, tangu mwanzo yayo. Dès le début. Tangu mwito yayo. Dès le début de l'appel. Na kile utakufa. Jusqu'à ta mort. Na batoto yako kumkongo yako. Et même tes enfants après toi. Dieu ne ment pas. Mungu alandake. Voyez. Il garde sa parole. Eko la chunga neno lake. Dieu ne peut pas ne pas une source tromper. Ana temtiebu ya udanganyifu. Il n'a aucune raison de nous tromper. Ana sababu atabu ya kudanganya. Wakati anasema kitu fulani. C'est la vérité. Ni ukweli. Ça va se réaliser. Na kitu kinapaswa kutimilika. Mais la souffrance. Lakini mateso. La malédiction. Laana. Qui peut nous arriver dans notre vie. Ndana maisha yetu. Dans notre marche. Ndana safari yetu. Ne peut venir. Inawezi tu kuya. Que de notre désobéissance. Para kutokea kutokuti kwetu. Parole. La souffrance à notre marche ne peut venir que de notre désobéissance à sa parole. C'est là où Dieu est fidèle et il respecte sa parole. Aussi longtemps que vous marcherez fidèlement dans toute l'obéissance, dans son appel, vous marchez selon sa volonté, la bénédiction, baraka, la protection de Dieu est avec toi. Mais quand tu commences, vous voyez, à désobéir à Dieu, tu pêches. Dans ton appel là, Dieu viendra te châtier. Ce n'est pas qu'il ose la bénédiction. Non, mais il va te fouetter par la souffrance. Fimbo ya mateso. L'église avec moi. Quand Mungu anakuita, na anakupatia baraka. Il te donne sa bénédiction. Mwito yake amna kimburi ya lana. Amna kimburi ya mateso. Il y a pas d'ombre de souffrance. Amna kimburi ya mangaiko. Il y a pas d'ombre de tourment. Même kutembea na Mungu. En marchant avec Dieu. Eko nenda kukubariki. Il te bénit. Mais kama Mustafa. Mais si au cours de ta marche, tu arrives à un moment donné, tu commences à transgresser la parole de Dieu, tu commences à marcher comme tous les restes, tu oublies ton appel de Dieu, tu commences à te comporter comme des païens, les dieux du ciel vont d'abord arrêter la bénédiction, il va te châtier, quand tu vas retourner sur ta parole, c'est alors qu'il va te retourner la bénédiction. Vous ne comprenez pas. Amuelewe. Est-ce que vous comprenez? Eti munashikia? Je pense que vous ne comprenez pas. Mimi naona sasa mushikia pana. Kama Mungu anakuita. Si Dieu t'appelle. Ni kusema. C'est-à-dire. Uko rassuré. Uko na ile hakikisho. En toute chose. Katika maneno yote. Musafari yako ya imani dans na Mungu na la foi avec Dieu. Amuna nchenge ya lana. Il n'y a pas de grain de malédiction. Il n'y a pas de grain de souffrance. Parce que Dieu est à côté de toi. Mungu ko pembeni yako. L'ange de l'Éternel. Malaika wa milele. Autour de ceux qui le craignent. Kando kando wenye kumogopa Mungu. Vous les protégez. De tout danger. Kwa tari yote. Dieu sera avec toi. Mungu pamoja na wewe. Pour te défendre. Za kukumbania. Pour te donner la vie. Za kupatia uzima. Pour te protéger. Za kukulinda. Pour combattre contre les ennemis. Kumbana kukumbania kubadui yako. Pour te donner la joie. Za kupatia furaha. La paix. Amani. La sécurité. Na ukingo. Mais pendant que vous cheminez la kini wakati kumkutembea pamoja na Mungu usifanye kosa ne commet pas l'erreur ya kuvunja neno la Mungu de transgresser la parole de Dieu usifanye kosa ya ne commet pas l'erreur de l'abandonner et tu commences à marcher comme les païens là Dieu va te châtier. Attache à ma démon et il va laisser que les démons te persécutent jusqu'à ce que Urudie mungie que tu retournes sur la voie Urudie quoi que tu retournes à lui. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. C'est pourquoi. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Je ne sais pas si l'église est en train de me suivre. Oh, c'est moi qui ne parle pas bien. Écoutez. Musikilize. Genèse 15. Verset 1 à 4. Mustare ya kwanza kwenda fika ya 4. Verset 13. Mustare ya 13 à 16. Ufika 16. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Neno ya milele kamwelekea Abraham. Dans une vision et dit. Katika onyo na ikasema hivi. Abraham. Ibra. Ne crains point. Usiogope kamwe. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngabo yako. Et ta récompense sera très grande. Na malipo yako itakuwa kubwa sana. Vous voyez? Naona. Frère, Nduku. Dans la Bible, ici, dans la Biblia, il ouvre. Regardez-moi. Muyangalie. Dans cette Bible, dans la Biblia, il y a 366 jours. Muko masiku miatatu na makumi sita na sita. Une année mwaka moja, à 600 iko na miaka, à 366 iko na masiku miatatu makumi sita na sita. Et dans la Bible, na ndani ya Biblia, il y a muko 366 fois mara miatatu makumi sita na sita que Dieu dit à un chrétien, le mungu anasema na mukristu, ne crains point, usiogope kamwe. Dans une année, ndani ya mwaka moja, il y a une année de 365 et de 366. Kuna mwaka moja iko na masiku 365. Et chaque jour de l'année, kila siku ya mwaka, chaque jour de l'année, kila siku ya mwaka, quand tu te réveilles, wakati unaamka, je te dis, Mungu anakuonesha, ne crains point, usiogope kamwe, je suis ton bouclier, mimi ni ngabo yako. Et cette phrase na ile sarufi, dans la Bible, dans la Biblia, se retrouve 366 fois. Mia tatu, makumi sita na sita. Et tous les jours, na siku zote, je te dis, ne crains point, je suis ton bouclier. Ne crains point, je suis ton défenseur. Ne crains point, je suis ton protecteur. Niko mulizi wako. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Ça c'est une garantie. Ni hakikisho. Quand Dieu appelle quelqu'un, mutu, il lui donne la garantie en toutes choses. Même si la maladie vient, ne crains point. Pourquoi Dieu dit, ne crains point. Mais du maïs à vous mundu, à cause de la faiblesse de la chair, vous combinez les hommes. Bile diote munayua. Toutes ces choses-là que vous connaissez, qui effraient les gens, wa mutoto wa mungu, un enfant de Dieu, mungu yako na Dieu kuambia, te dit, usiongope. Ne crains point. Mie, moi, Joe, je suis ton bouclier. C'est vrai, frère. Yakweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Yakweli dada yangu, sipende kwenda kule. Et ta récompense na malipo yako sera très grande. Itakuwa kubwa sana. Pas très grand. Aina kubwa tu, mais très grand. Lakini kubwa sana. Voyez bien mes frères. On a un tout compendo. Abraham, Ibra, répondit. Akajibu, ah Seigneur éternel. Eh bwana wa milele. Que me donneras-tu? Ninino talipatia. Je m'en vais sans enfant. Miaba mukwenda bila mtoto. L'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Eliezer wa ku Damasiki. C'est Eliezer de Damas. Eliezer wa ku Damasiki. Vous voyez? Naona. Et na. Alors la parole de l'Éternel. Na parole na wa milele. Et Abraham dit, na Ibrahim akasema, voici, tazama, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est lui qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Alors, pale, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Frère, Nduku, ma soeur, bintu biote bibaya, toutes les mauvaises choses, bile tukonaona ndani ya maisha yetu, nous voyons dans notre vie, Mungu ekone bichunga, les garde, ni juu ya utukufu yake, sa gloire. Magonjwa ikone tupika, les maladies qui nous frappent, vous voyez, naona, ni juu ya utukufu ya Mungu, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui peut nous arriver, n'est juste nous pâtir Mungu, c'est pour que nous puissions donner à Dieu l'occasion de manifester sa puissance. La stérilité de Sarah n'était pas une humiliation, mais c'était pour la gloire de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour accomplir un plan de Dieu dans notre vie. Dans la yetu. On ne doit pas s'inquiéter. Il n'a pas de mariage, tu es troublé, il n'a pas d'enfant, tu es troublé. Non, je sais pourquoi il te garde dans cette situation. Ce qui est important dans la parole de Dieu et demeure. C'est ça le secret. Il est juste sérieux. Il ne faut pas regarder Utasa. Il ne faut pas regarder à ta maladie. Il ne faut pas regarder à tes souffrances. Il ne faut pas regarder à tes difficultés dans lesquelles que tu traverses. Reste à donné, fidèle à la parole de Dieu. Vous verrez la gloire du Seigneur. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. En d'autres termes, dans notre vie, nous changeons le Congo par qui soit pas peur qui meurt. De quoi que ce soit. Nous devons tous comprendre que l'homme est né pour souffrir. Peu importe la souffrance qui est attachée à notre nature déchue, nous a déjà appelé, attachons-nous à l'appel de Dieu, marchons avec Dieu dans la fidélité et dans l'obéissance. Dieu mettra fin à toutes nos souffrances. C'est tout, frère. C'est ce que Dieu veut. Dieu est le Mungu, la peine d'accord. Tout espérons en lui. C'est vrai. Tout est bien. Marchons avec lui. Et nous verrons sa gloire. C'est pourquoi Dieu dit Abraham, ne sois pas troublé car tu n'as pas d'enfant. Que ça ne soit pas une souffrance pour toi. Il ne faut pas être troublé car tu n'as pas de travail et tu commences même à voler. Il ne faut pas être troublé parce que tu n'as pas de mariage. Tu commences même à te prostituer. Reste dans la parole de Dieu. Demeure avec les promesses de Dieu. Et quoi que c'est lui qui t'a appelé, il ne ment jamais. Et il n'a jamais vu les ténèbres, même de guerre, de malédiction sur toi. Tu es béni, mais ta bénédiction se manifestera au temps de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens et les chrétiennes doivent voir les choses. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Et Dieu dit ceci. Na Mungu anasema hivi. Savez-vous où on a kuangaika juu ya mtoto? Étant donné que tu es troublé à cause d'un enfant, mitaleta mtoto na weye na Sara wako. Je te donnerai un enfant avec Sarah, ta femme. À cause de quel doute. À cause d'elle chaka, je te donne comme signe. Il n'a pas tiré sa alama. D'ailleurs, parle-moi de quoi mutoto. Lorsque je vais te donner cet enfant, ce fils, atakuwa taifa munene. Il sera une grande nation. Na taifa yako. Et ton pays. Itenda mubutu moa. Iré en captivité. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Parle itenda mubutu moa. Lorsque tu vas te retrouver dans la servitude. Kisha. Et après quoi? Moi Dieu, je le sortirai de là. Regardez dans le verset 13. Kuminatatu. Et Abraham dit, et l'Éternel dit Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils seront ensuite, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Vous voyez, à la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Dieu avait déjà vu d'avance par sa préscience qu'Israël irait en captivité. Tu vois encore très bien. Ils iraient en captivité. Pourquoi? Dieu, parce que Dieu n'avait pas vu l'ombre de la malédiction, de la souffrance sur sa postérité. Dans l'appel et dans les promesses, Il n'y a pas Amuna la souffrance. Mateso, il n'y a pas Amuna de malédiction. Laana. Il n'y a que la bénédiction. Mais pourquoi Dieu vient ici? Il dit à Abraham que ta descendance ira en captivité dans un pays étranger. Il ne sera point à eux. Ils seront opprimés. Voyez bien mes frères. Si Israël est allé en captivité, c'est à cause de leur propre faute. C'est vrai. C'est à cause de leur propre faute. Quelle est la faute d'Israël? Les enfants d'Abraham dans la chair. Quelle est la faute qu'ils avaient commis? Qui les a amenés en captivité? C'était la haine des enfants de Jacob contre leur frère Joseph. Voyez bien mes frères, la haine des frères de Joseph les ont amenés en captivité. C'est leur propre faute. Quand Israël a rien à Mbutumwa, s'est retrouvé en captivité, ce n'était pas au travers de l'alliance qu'avait faite Dieu avec Abraham. Dans l'appel d'Abraham, Dieu n'avait pas dit que sa postérité irait en captivité. C'est bénédiction sur bénédiction. Maintenant ici nous voyons que les enfants d'Israël vont en captivité. Qu'est-ce qui les amène en captivité? Est-ce que promesse y a la promesse de Dieu à l'égard d'Abraham était un mensonge? Bongo, la bénédiction de Baraka Dieu est-il changé en malédiction? Est-il badirika, ikwela, non frère, apana, non ma soeur, apana, dada yangu, la bénédiction de Baraka Dieu yamungu, et toutes les promesses de Dieu yote yamungu, sur Abraham, Ibrahimu, sur sa descendance yake, demain adumu, mais vos béniers eux-mêmes enfants d'Abraham, leur faute, c'est ce qui les a amenés, qu'ils se retrouvent en captivité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le Dieu Tout-Puissant, par amour envers Abraham, Ibrahim, envers sa descendance, leur envoya un don pour leur bénédiction. Parce que Dieu travaille avec ses dons. Tumika na zawadi yake. Naona ntuku mpendwa. Joseph était le don de Dieu zawadi ya Mungu, dans la famille, mujamaa, dans la descendance d'Abraham. Ya Ibrahim. Joseph était né, alizalikwa, Dieu l'avait donné Mungu aliwapatia qu'il soit une source de bénédiction. C'est vrai, frère. Mais ils ne l'ont pas compris. Voyez bien, mes frères. Ils n'ont pas compris que Joseph était un don que Dieu leur avait donné pour leur bénédiction. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais ils n'ont pas compris. Au lieu de mêler les dons que Dieu leur avait donnés, les enfants de Jacob, voyez, les enfants d'Abraham ont emprunté la voie du mal, la voie du péché, la voie des païens. Au lieu de mêler leurs dons, ils ont commencé à les jalousier. Ils ont bakamchukia. Voyez, c'est cela que nous allons commencer. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada yangu mpendo. Kama batoto ya Israel, les enfants d'Israël, banenda mubutumwa, se sont retrouvés dans la captivité, miaka ine, cette chose-là, akikuyake mu promesse ya Mungu, n'était pas dans la promesse de Dieu. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendo. Akikuya mu promesse ya Mungu, dans la promesse de Dieu. C'est vrai, frère. Nous promesse à Mungu. Dans la promesse de Dieu, envers Abraham, Ibrahim, et envers sa descendance, yake, il n'y avait pas d'ombre de souffrance. Voyez bien, mes frères. Il n'y avait que bénédiction sur bénédiction, bénédiction sur bénédiction. Mais ici, nous voyons que les enfants d'Israël vont se rendre dans la captivité. Ce n'était pas de la faute de Dieu. Abana, non. Ni bo c'est eux-mêmes. Baritoka, ils sont sortis de la bénédiction. Ils sont sortis de la promesse de Dieu. Ils ont abandonné la bénédiction de Dieu pour aller se comporter en dehors de la parole de Dieu. Vous voyez, et Dieu les a laissés aller dans la souffrance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dieu a décidé de les laisser comme ça. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute des enfants d'Abraham. Et quelle est la faute? La haine contre les frères. Voyez bien, mes frères. Quelle est leur faute? Ils ont méconnu les dons que Dieu leur avait donnés. Un bon don. Un bon de discernement. Un bon de prophétie. Un don de vision. Un don qui les éloignait du péché. Un don qui les gardait dans la sainteté, dans l'obéissance. Voyez bien, mes frères, mais ils n'ont pas compris cela. Ils ont commencé à se comporter comme le monde. Frère, Duku, ma soeur, dada yangu, kama weu konateso, kama réellement, kama akika kweli, kama réellement comme toto si akika kweli, tu es une fille de Dieu, fille de Dieu. Leo konateso, aujourd'hui tu souffres, hauna na Roho Mtakatifu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Leo konateso, aujourd'hui tu souffres, uko chini ya ngoja mapeo mchafu, tu es sous la conduite des démons, uko chini ya utawala mapeo mchafu, tu es sous la domination des esprits mauvais, et tu es sous la domination des esprits mauvais. Kama leo Adamu mwili, si même physiquement, tu es dans des souffrances, chunguza maisha yako, examine ta vie, depuis mwito yako, depuis ton appel. Il y a quelque part où tu t'es déjà éloigné de la parole de Dieu, tu as quitté la vie, là où tu t'es éloigné de la parole de Dieu, puis tu retournes, tu rentres dans la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu ne t'a pas ôté la bénédiction. Non. Apan. C'est toi-même qui vas te bénir. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. J'aime que vous gardez cette Ninapenda mupate kuchunga iwazo. Quand Dieu appelle quelqu'un, Mungu anaita mutu, dans ses promesses, katika malako yake, il n'y a pas d'ombre de malédiction. Amuna ta kimburi ya laana. Mais, lakini, mais, lakini, pendant votre marche, wakati ya safari yako, vos propres fautes, makosa yako we mwenyewe, et vos erreurs, na makosa yako we mwenyewe, peuvent vous amener la souffrance. À mateso. Quand vous vous éloignez de Dieu, mbali na Mungu, vous n'avez plus de protection. Tena na ukingo. Mais ce matin, asubui, je te dis, Mungu anakonesha, je suis ton bouclier. Mimi ni ngabo yako. Maintenant, ce que je te demande, ça, kuomba, marche avec intégrité. Tembea katika unyofu. Vous verrez que, kusema, dans la semaine, vous verrez que, ce manque d'intégrité unyofu, des enfants d'Abraham qui les a envoyés en Égypte. Mais Dieu est resté avec sa bénédiction. C'est auprès de Dieu qu'on a la bénédiction. Aussi longtemps, on a bâti à Mukimburi la l'ombre de Dieu. Bénédiction à Iwes la bénédiction ne peut pas te quitter. Protection à Iwes Mukwacha. Tu ne peux pas être privé de la protection. C'est toi-même. Par ton orgueil. Yako, par ton péché. Par ta faute. Yako, on est en bas la tu t'es éloigné de Dieu. Tu as abandonné Dieu loin. Et là, où t'es dans la tata, na la ana, na mati. C'est vrai, frère. Ba frère, ba mingi. Beaucoup de frères et sœurs. Ba mingi. Et sœurs. Mateso yabo. Leur souffrance. Iko lié. Sont liés. Mubuntombo jikunelo la mungu. À leur rébellion à la parole de Dieu. L'église est avec moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Mateso yabo, frère. Les souffrances des frères. Mumuila mukiro. Physiquement ou spirituellement. Iko lié. Sont liés. Mukuvunja kwaneno la mungu. Dans la transgression de la parole de Dieu par eux. Si quelqu'un a été appelé par Dieu, Mungu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. La même réponse il est dit que Dieu avait donné il est à Pierre, Petro, Hakuna mtu juu yangu ataacha nyumba yake, baba yake, son père, mali yake, taifa yake, sa nation, anifuate et me suivre moi, nikose kumupatia ndani ya hii dunia hii, ndani ya hii mwili, dans ce corps ici, le centuple maramia. Vous voyez, unaona, le centuple maramia. Et na, dans la vie à venir, miaka itakapokuja, la vie éternelle, uzima milele. Ce sont les paroles ni maneno qui viennent de Dieu. Ya kutokea kwa Mungu. C'est pourquoi mutaona, donc, vous verrez, ce n'est un secret. Aina siri kama mtu anaamini vya kweli, si quelqu'un croit sincèrement réellement, même s'il était pauvre, il n'avait rien, kama anaamini vya kweli, sincèrement, anaanza kutembea et commence à marcher dans la parole de Dieu, dans la chair ici, oui, Dieu est obligé de le venir. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. La bénédiction de Dieu. Baraka ya Mungu. Sera visible. Itaanza kuonekana. Aina mundoto. Ce n'est pas dans le rêve. Dans la chair. Mwili tu seras béni. Utabarikiwa. Et spirituellement. Na mkiro tena, tu seras encore béni. Utabarikiwa tena. C'est ça la volonté de Dieu. Ma mapenzi ya Mungu. Mais cette bénédiction. Lakini hii baraka. A des conditions. Iko na makanuni. C'est l'intégrité. Ni unyofu. N'est qu'un point Abraham. Usiogope kama Ibrahim. Je suis ton bouclier. Niko ngabo yako. Et ta récompense. Na malipo yako. Sera très grande. Itakuwa kubwa sana. Seulement. Lakini. Tu dois marcher dans l'intégrité. Unapata tu kutembea katika unyofu. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendwa. Celui qui marche dans l'intégrité. Mwenye anatembea katika unyofu wa moyo. Ne peut rien craindre. Awezi kuogopa kitu hata kimoja. Nduku. Na rien à craindre. Ana na cha kuogopa. Mais comment on a mutomboké à Mungu? Mais si tu t'es révolté contre Una Dieu, munda neno la Mungu, tu transgresses la parole de Dieu yako, dans ton orgueil, duku, awezi kuvunja neno la Mungu, tu ne peux pas transgresser la parole de Dieu et t'attendre au bénédiction, ubarikiwe, non, non, non, non, non, non, apana, apana, apana. Je l'ai dit en termes clairs. Na mumisemo ya wazi. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Avant que je l'arrête. Bele ami kumali kusimamisha. Kama Mungu anaita Mungu. Dieu appelle quelqu'un. Atari kwa kona lala Musaka. Même si il passait mis sur une nacre. Le Dieu du ciel, il le bénira. Et tout le monde verra que cet homme ici, Dieu l'a béni. Même s'il passait lui dans une île, même s'il était locataire de sa nyumba, il passait sous un manguier, le Dieu du ciel lui donnera une maison. Ma besoin y a que yote mumwili. C'est dont il a besoin physiquement, Dieu va le lui donner. Pour qu'il manifeste sa bénédiction. Mais comment on a voulu donner nos amours? Mais si tu transgresses la parole de Dieu, on a kotola. Et tu commets une faute. Je parle pas comment. C'est là où il y a maintenant un problème. Mungu apende. Je n'aime pas ukotole. Que tu puisses fauter. Ah, non. Comment on a kotola? Dès que tu commets une faute, on a et tu empruntes la voie du péché. Mungu apende. Je n'aime pas le péché. Dans la vie de ses enfants, fils ou fille, c'est le péché qui nous sépare avec Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de la bénédiction divine. L'église est avec moi. C'est pourquoi je vous disais, raison pour laquelle quand on a fouillez les péchés. Voyez bien mes frères. Et même quand Dieu dit à Israël, mettez ces commandements soigneusement en pratique. Les termes soigneusement est une grande importance. Kabisa. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si vous voulez, kama unapenda, que Dieu éloigne de Mungu, apeleke mbali na weye, tout ombre, qui mvuri kiote, de malheur, qui alole, de souffrance, qui amateso, reste avec la parole. Ubakie tu na neno. Reste obéissant à la parole. Ubaki mutifu ku neno. Et vous verrez pourquoi Dieu a choisi Abraham. Nous allons en parler. Taisema. Voyez bien mes frères. Naona ntuku mpendo. Vous verrez comment Abraham a marché. Gani Ibrahim alitembea. Et pourquoi Dieu l'a aimé. Na jua nini Mungu alimpenda. Pourquoi Dieu l'a appelé son ami. Jua nini Mungu alimuita tena rafiki yangu. Nous serons des amis de Dieu. Tutakuwa rafiki wa Mungu. Que lorsque nous marcherons dans l'obéissance totale à sa parole. Ku neno lake. Voyez bien mes frères. Naona ntuku mpendo. Chez benyewe. Nous-mêmes. Mukuvunja neno la Mungu. En transgressant la parole de Dieu. Mukuingia munjia ya dhambi. En empruntant la voie du péché. C'est nous-mêmes qui nous attirons la malédiction. Ce n'est pas Dieu. Comme dans les cas d'Israël. Des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Alors, quand ils ne sont pas allés dans la servitude. ce n'est pas Dieu voyez, qui vous les a envoyés dans la captivité de eux-mêmes à cause de leur faute, à cause de leur haine. Ils ont méconnu les dons que Dieu leur a donnés. Au lieu d'avoir de l'amour dans leur cœur, et ils ont embrassé la haine. Et c'est la haine qui les a envoyés en captivité. Le péché. Zambi. Chasse la bénédiction. Iko na fukuza baraka. Arrête la bénédiction. Iko na simamisha baraka. Nous éloigne de la bénédiction. Iko peleka mbali na baraka. Mais la bénédiction est là. Lakini baraka yo iko kwako. Pale utenda. Là où tu vas partir. Là où les choses vont te compliquer là-bas. Tu te souviens que Mungu wa baraka. Il y a un Dieu de bénédiction. Là tu vas lui retourner. La bénédiction va encore t'accompagner. C'est pourquoi. Raison pour laquelle. Restons dans notre appel. Et dans l'appel. On marche. Avec fidélité. Dans l'intégrité. Et avec obéissance. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Nous allons continuer. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Retenez cette pensée. Mungu aita que mundu. Dieu a pas tamba kutese katena. Continue à souffrir. Non. Dans l'appel de Dieu, il est qu'on a tout pris à Batoto Yake. Banaume la banamouke. Amwikala que Mateso. Il n'y a pas de souffrance. Amwikala que Lana. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a que bénédiction. Kama sasa unabondane no l'amour. Tu transgresses la parole de Dieu. On a mutomboke à Mungu. Tu te révoltes contre Dieu. C'est de toi-même. On a toka ku baraka. Qui a quitté la bénédiction pour aller là où il y a les souffrances. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'induku? Kosa yako we mwenyewe. Ta propre faute. Voyez. Unaona. Zambi yako ye mwenyewe. Péché à toi. Unaanza kujikomporter sama pagano. Unakuwa na tabia ya pagano. Misemeo ya pagano. Le langage des païens. Matendo ya pagano. Les actes des païens. Dieu vient t'accoletia lana. Ces actes-là qui vont attirer la malédiction et la souffrance. C'est vrai. Il y a quoi li? À l'appel de Dieu. Avant de prier. Est-ce que l'église a compris? Et kanisa inaelewa? Qui a compris? Nani anaelewa? Alors kama munaelewa? Alors si vous avez compris, Dieu voit qui voit vos cœurs. Ah, mwenye kuona mioyo yenu. Kama munaishika, si vous acceptez, kutembea dans l'intégrité, katika uyofu, katika utifu, c'est la parole de Dieu. Ya neno la Mungu. Vous verrez ce que Dieu fera. C'est comme ce qui est arrivé au temps il de Branham. Il faut aller le dire à Mwakati Branham. Dit que j'aurai le temps de vous lire ça. Ah, c'est pas les chutes du Randa Kanisa. Lorsque nous avions commencé le livre, nous étions vraiment des gens qui souffraient. On n'avait même pas de la nourriture. Mais lorsque Dieu, lorsque nous avons marché dans la parole de Dieu, il y a eu un moment où Dieu nous a bénis. Les frères et sœurs, ils ont eu de l'argent. Ils ont eu de maisons. À vivre en paix. Pourquoi le secret de rester attaché à Dieu? Parce que c'est lui qui est notre homme, c'est lui qui est notre bénédiction, il est notre protection. Ne crains point, je suis ton bouclier, je suis ton défenseur. Yeah. prions le Seigneur. Que le Dieu de toute bénédiction vous bénisse. Il vous garde dans la foi, dans l'obéissance, dans l'intégrité, qu'il soit notre bouclier. Prions-nous tous ensemble. Merci. Merci. Merci. Merci, Père.